aujourd'hui, je débute une série de messages sur les béatitudes. La première de ces béatitudes est celle-ci : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. En Matthieu chapitre 5, il est écrit : Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit : Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. L'homme est un pauvre, un grand pauvre. Je parle de sa pauvreté spirituelle. Être pauvre en esprit ne signifie pas être un idiot. Quand je dis pauvre en esprit, j'écris le mot esprit avec un grand E, car c'est bien être pauvre en Saint-Esprit dont il s'agit. Dans le langage biblique, l'expression signifie être pauvre spirituellement. Quand Jésus prononçait ces paroles, il parlait de gens de l'époque qui aimaient Dieu, qui avaient faim et soif de s'approcher davantage de Dieu, qui faisaient des efforts de religion, mais dont la relation avec Dieu demeurait fade, ennuyeuse et insipide. La religion de l'époque n'allait pas très loin. Il y avait très peu d'expériences spirituelles réelles, et les pauvres en esprit ne savaient simplement pas comment changer leur situation. Le père Jean-Nicolas Groulx a écrit « Mon âme est la meilleure partie de moi-même ». Alors l'homme a besoin de se sentir satisfait spirituellement. Il n'y a que les ignorants et les orgueilleux qui pensent n'avoir besoin de rien. Alors une boîte remplie de poivre ne peut pas être remplie de sel, n'est-ce pas? L'orgueil et la suffisance sont les plus grands obstacles sur la route de la spiritualité. Mais heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume de Dieu tout entier s'ouvre pour eux. En effet, rencontrer Jésus personnellement et accepter de mettre sa doctrine en pratique vous fera naître de nouveau dans un nouveau monde où les expériences spirituelles abondent. Vous goûterez enfin combien le Seigneur est bon, et vous le goûterez sensiblement. Si ce message vous a touché, si vous vous sentez concerné, et si vous voulez ce que nous avons, fermez les yeux et faites cette prière avec moi. Mon Dieu, jusqu'ici, ma religion n'a pas satisfait la soif de mon cœur. Je suis en arrêt quant à mon expérience et depuis si longtemps. Je veux avoir cette relation intime et remplie d'Esprit Saint dont a parlé Jésus. Aujourd'hui, j'accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de ma vie tout entière. Je me propose de lire les Écritures pour moi-même et d'apprendre tout ce qui concerne le royaume de Dieu afin d'en être enrichi. Amen. Je vous encourage à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine. Gardez la foi et la foi vous gardera.